La main de Dieu s'est posée sur moi, et il m'a emmené en esprit, et il m'a laissé au milieu d'une vaste plaine qui était remplie d'ossements. Ce n'est pas homme que tu es poussière. Et il m'en fit faire le tour, car il y en avait à l'infini à la surface de la terre, et ils étaient secs à l'extrême. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu, et que la vie apparaisse, et il en fut ainsi. Et Dieu dit, Fils de l'homme, « Penses-tu que ces eaux vivent ?»« Et je répondis, Seigneur mon Dieu, vous le savez. » Et il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements arides, écoutez la parole du Seigneur. » Parle le Seigneur Dieu à ses eaux. Voici, je vais introduire un esprit en vous et vous vivrez. Il arrivera que dans ma chair, je verrai mon sauveur. Je mettrai sur vous des nerfs et je ferai croître sur vous des chairs. J'étendrai de la peau sur vous, et je vous donnerai un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Et il se fit une espèce de bruit et un mouvement. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres, chacun s'adaptant à sa jointure. Et voici que des nerfs et des chairs se formèrent sur eux, et de la peau s'étendit par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, esprit, et souffle sur ces morts, afin qu'ils revivent. Et l'Esprit entra en eux, et ils devinrent vivants, et ils tinrent sur leurs pieds.